21h sur Speed Radio. Speed! Speed Radio, la radio qui te dynamise. J'adore le tam-tam à chaque fois. Bon bref. C'est Blash Blaster, dernier mix pour moi de cette résidence. Ça a été un grand plaisir de mixer pendant une heure. 4 fois ce mois-ci, 2 mars en tout cas, on est parti pour une heure de mix de hard trance, techno, hard techno sur Speed Radio. Allez, c'est Blash Blaster au platine, enjoy! Thank you. Speed. Speed Radio. C'est terminé, c'était Blage Blacheter sur Speed Radio, 21h, 22h, à très vite sur les ondes, sur les dance floors ou tout autre. Je vous laisse finir la nuit avec moult autres DJ sets de grands DJ. Speed Radio, la radio qui te dynamise.